Bonjour et bienvenue sur le podcast Photosensible. Ce petit épisode se veut être une introduction à ce que sera cette nouvelle aventure. Vous avez tous vu des photos qui vous ont marqué cette année, comme celle d'Alan Kurdi, cet enfant kurde mort sur une plage turque. Cette voiture de police en flammes prise par le photoreporter Bobby Alain pendant les manifestations des Gilets jaunes. Ces photos des danseuses de l'Opéra de Paris en grève et qui donnent une représentation gratuite du lac des Cygnes sur le parvis du Palais Garnier. Ou plus globalement, des photos issues de l'actualité du monde entier, de Hong Kong au Chili, en passant par les immenses incendies de l'Amazonie ou de l'Australie. Et même, moins récemment, vous connaissez tous cette photo du baiser de Paris de Robert Doisneau, celle de l'homme de Tiananmen de Jeff Widener, ou encore celle du général Massoud de Reza Degati. Eh bien, ces photos ont tout en commun quelque chose. Elles racontent l'histoire de nos sociétés. Elle pose un regard parfois brutal, triste, courageux, poétique sur notre monde. Et elles ont été prises par des femmes ou des hommes qui n'ont de cesse de nous informer sur ce qu'il se passe en bas de chez nous ou de l'autre côté du monde. Photosensible veut mettre en avant ces photographes et leur donner la parole. Qu'ils nous racontent le monde qu'ils voient avant de le photographier. C'est l'histoire d'une vie ou d'une simple photo à la portée de vos oreilles le temps d'un épisode. Une fois par mois, je pars à la rencontre de ces autrices et auteurs qui questionnent la société grâce à leur appareil photo et je vous livre ça, non pas sous la forme d'une interview classique, mais d'une aventure audio-documentaire accompagnée d'une bande-son du compositeur et pianiste Tom Terrien. Tous les troisièmes vendredis du mois, vous pourrez découvrir un nouvel épisode. Bienvenue dans Photosensible, le podcast d'aventure humaine et photographique où vous allez découvrir ce qui se cache derrière l'objectif.